les saigne. La meilleure arme dans la tête, oui je le sais. On fait du cash et toi, tu sers à qui? Sers à quoi? Mon Renoir, tu sers à qui? Sers à quoi? Tu sers à qui? Sers à quoi? Mon Renoir, tu sers à qui? Sers à quoi? Viens faire un tour ici avec les types qui restent innocents. Prêt à te fumer par gourmandise, ils disent on meurt ensemble. Ils trahissent leur famille, imagine si t'as pas leur sang. Pourquoi ils te font la bise quand tu les baisses quand t'as pas leur temps? On parle pas beaucoup, un mot de travers chez nous égale un coup de serpette. Rien dans la tête, attends que ça tire pour te mettre du plomb dans la cervelle. Chacun sa vie, c'était à vie quand les condés nous interpellent sans remords. Je te souhaite pas la mort, je te souhaite la haine, ça perpète. Tu sers à rien à part sucer comme une chouin qui a ses gleurs. Et c'est pas des arabes, c'est des beurres. Et série de levrettes dans leur serre. Faut pas se leurrer, compter sur eux pour t'assurer. Gros, tu le sauras le jour où t'auras pu le peur, tu seras plus. C'est déplorable, laisse tomber les politesses. Comment a-t-il pu oser les trahir pour des jolies fesses? J'imagine pas pour de l'osette, t'es pas la bienvenue, fait d'or. Tu peux rester chez Watt, chez Watt. Arbe véritable qui tape pas dans la one, c'est one. Hey, avant l'heure, t'as dit oui, on dira non. On a fait ça, bon, t'as cru, on te sourit même si ça ment. À l'écouter, il fait du sale, Zamek fait du bif à moi. Sa vie devait jouer au Real, il s'est fait les ligaments. Oh là là, oh là là, j'parle en euros couramment. En sterling, en dollars, on dira mais évidemment. Mon chou m'a dit, faut pas parler pour rien dire, ça évite la merde. Là, j'ai pas le temps à parler, pose le khali, c'est nique ta mère. Ouais, ouais. Liberta, oh oui, qu'est-ce que je t'aime. Dans le pleura, y'a qu'une règle, faut que je les saigne. La meilleure arme dans la tête, oui, je le sais. On fait du cash et toi, tu sers à qui? Sers à quoi? Mon Renoir, tu sers à qui? Sers à quoi? Tu sers à qui? Sers à quoi? Mon Renoir, tu sers à qui? Sers à quoi? Yeah. Me check pas si tu torches avec la main droite. Je vais la baiser, c'est une escorte, mais je la paierai ap. Tu parles fort, tu frappes ton torse comme un gorille. Mais tu fais le singe quand ça se corse, tu veux qu'on gonnerie. Je mesure ta force comme un saiyan. Tu vides tes poches pour des puteries. Je me fais 2-3 païennes, 4 plus 7 égale à cabruti. J'ai pris ma décision, je les baisse tous avec précision. Pas besoin de marabout de prédiction, inverse de balle en prévision. Wow. La malade s'achète pas, toi t'es endetté. De peigne ni roi endetté, pas la grosse tête, tu es endetté. Wow. Dans le pleuret, dans la rue, j'ai chiffré. Celui qui pense que j'ai pas de couilles va se faire bif. Quand tu vois ma dégaine, t'es briefé. Dolce Gabbana Gucci, j'suis griffé. À l'entrée du club, que des gibiers blessés. J'arrive, j'fais pas la queue, tu veux te greffer. J'veux tout le vide, pas de coloc. Tu gigotes, ton chicote, assez pis dans ta culotte. Ta gueule, c'est un monologue. Somme dans les chromosomes, j'ai montré mes crocs aux hommes. Sur mes terres comme un autogone. Viens, on se place dans l'octogone. Quand t'es une star, pas besoin de starifier. Quand t'es gang, pas besoin de gangifier. Genre de bois, trop déo, j'roule en plein phare. Le samedi soir, mon déo danse avec les stars. Liberta, oh oui, qu'est-ce que je t'aime. Dans le pleura, y'a qu'une règle, faut que je les saigne. La meilleure arme dans la tête, oui, je le sais. On fait du cash et toi, tu sers à qui? Sers à quoi? Mon